Oh, nous partons en voyage avec un nouvel invité, un voyageur ou une voyageuse partie quelque part avec un projet précis de recherche, de création ou autre. Donc aujourd'hui, nous quittons le Costa Rica pour revenir en Europe, en restant cependant sur la thématique environnementale, parce que pour rappel, Bleuen était allé au Costa Rica étudier les liens entre éducation et protection des écosystèmes dans le pays. On reste donc sur une thématique écologiste, puisque Lola, tu es partie sur les routes d'Europe en voiture électrique. Oui, alors la voiture électrique, c'était le moyen de transport. Ouais. Maintenant, le but de ce voyage, c'était pas forcément la voiture électrique en soi. TREV, c'est l'acronyme pour Témoignage d'une révolution énergétique, un voyage européen. Et l'idée, c'était de pouvoir aller dans un maximum de pays européens pour essayer de comprendre comment effectivement se passe la transition énergétique qui n'est qu'un seul des grandes, disons, parties ou en tout cas des thèmes corollaires au changement climatique auquel le monde entier est confronté aujourd'hui. Donc c'était pour nous une sorte de prétexte pour aussi parler plus largement de l'écologie, de tout cet objet-là. Et finalement, on a pu aller dans 15 pays européens pendant cet été, pendant 4 mois, effectivement en voiture électrique. D'accord, donc tu vas nous en parler dans un instant, on détaillera un peu plus ton parcours. Après quelques minutes d'actualité voyageuse. Actualité voyageuse. Alors, les actus voyageuses, c'est quelques minutes en début d'émission où je vous parle d'une actualité en rapport avec le voyage. Donc ce sera souvent une publication, la sortie d'un film, ou